J'ai pas pris mon portable. C'est quoi, quel endroit vous avez pointé? Dans celle là où il y a les gros bouts de bois, s'il y a moyen de se poser là, tu vois. Voilà. Ouais, c'est un peu plus protégé, ouais. Cette espèce de petite cabane là. Ouais. C'est un peu plus protégé.